fraude. Varjnikov, c'est dangereux. No clash, tu vois. On dit quoi? On dit fonce dans le mur. Je n'éprouve qu'un souhait, un seul, que le tout puissant guide notre âme. Qu'on s'éloigne de ces kilos de haram avant que ça vire au drame. Je veux pas finir comme Nino Brown, engrêler les plus influençables juste parce que mon stylo crame. Je suis d'humeur incendiaire, appelez-moi pyromane. Virage chronotos, expert en pilotage. C'est là que je pisse l'occasion. Cherche pas à savoir ce que je vis stockard. Arme le chromis, c'est une prise d'otage. On vous fera pas de cadeau. La seule chose à emballer, ça sera le bras de votre cabot. N'attendez pas qu'à rate la peau, braque et rate la gauve. On s'arrachera une fois qu'on arrachera le magot. Bim, badaboum, v'là le king de la magouille. Ce qui les fait bander, mon frère, c'est de palper du bif à la fouille. Je me livre à chaque douille. Une OCP slim à la bouche, vide la cartouche. Encore faut-il posséder le style de la place rouge. Car on fait, ce fait rap de sondeur. Dis-leur que les erreurs ne me sont plus permis, j'en ai peur. Car aujourd'hui tu fais, mais demain tu meurs. Mec, plein et sûr, choisis ton chemin et fonce. Qui t'a foncé dans le mur. Car on fait, ce fait rap de sondeur. Dis-leur que les erreurs ne me sont plus permis, j'en ai peur. Car aujourd'hui tu fais, mais demain tu meurs. Mec, plein et sûr, choisis ton chemin et fonce. Qui t'a foncé dans le mur. Eh ouais, mon vieux, on fait ce qu'on veut, joue pas loire, elle avec ton feu. Nos fils pas le miel et les abeilles, on pine la reine Elisabeth. Que flammé d'in Israël pour faire c'est dans les petits amels. Du caramel en petite lamelle, je suis dangereux comme le petit camel. C'est la haine qui m'anime, moi c'est la vengeance qui m'amène. Je suis fasciné par les gros cubes et le gros cul de la petite amel. Bête, j'assure les allers-retours à Antwerp. Avant que la douane elle m'interpelle, je recrute les folles sur internet. Que le Z là, y'a que les deux chats, y'a que les pépettes qui ont de l'odeur. Je suis un rotard, je suis un rôdeur, je suis un soulard, je suis un cogneur. Je suis un couche-tard, je suis un chômeur. Passe-moi les clés, je deviens choumi. Je suis un insomniaque, un insoumis qui t'escroque avec un sourire. Dernier soupir, j'envoie les couches, donne ça comme bras et ma soum. La garde du rap sera sans gonne comme celle des machines à soum. T'as la squadra Zouror, partir avec le trophée. On veut le pouvoir comme Attila et la dynam, elle est coffrée. Car on fait, ce fait rap de sondeur. Dis-leur que les erreurs ne me sont plus permis, j'en ai peur. Car aujourd'hui tu fais, mais demain tu meurs. Mec, plein et sûr, choisis ton chemin et fonce. Qui t'a foncé dans le mur. Car on fait, ce fait rap de sondeur. Dis-leur que les erreurs ne me sont plus permis, j'en ai peur. Car aujourd'hui tu fais, mais demain tu meurs. Mec, plein et sûr, choisis ton chemin et fonce. Qui t'a foncé dans le mur. La mettre à tous ces faux frères, rien t'es offert. Tu pètes un plomb comme un mec offert. Trop fort, regarde ce qu'on fait pour un peu de confort. Trop fort, le ghetto est notre sponsor. Fort comme un coffre, fier comme un caf. Viens pas jouer les mannequins, on t'accueille des patates dans le tarin. Quand le 9-4 t'arrose, tu vois le scénario. Les frelots se rendent par où dans tous les barrios. Carnal, ton passé se réincarne en carnat. Rien de banal dans ça qu'une pierre au fond d'un canal. Le son du black au slow cost ta mine claquée. N'oublie pas quand je te cause, j'ai envie de tout plaquer. Pareil qu'on n'a pas tiré les bons numéros. Ouais les frères, on a fait les rêves du mélo-mélo. Nique leur commérage, c'est le beat que l'on arrache. J'crache la foudre comme orage, plus rien à foutre avec l'âge. Les tatouages sont dans nos crânes, c'est la rage qui se déclare. Anticipe le virage, même si t'as fait un faux départ. Combiner nos destins, les projecteurs sont ceux des stars. Des sauts d'assaut, des chars, pas de game pour ces bâtards. Cette vie comme une ligne droite, une route construite à l'infini qui n'en finit pas. C'est triste à dire, et si on fonce, qui t'a foncé dans ta main, on en guérit pas. Si ça marche pas, mec, t'es mort, c'est sûr. Un conseil, allume tes phares et fais te foncer dans le mur. Cette vie comme une ligne droite, une route construite à l'infini qui n'en finit pas. C'est triste à dire, et si on fonce, qui t'a foncé dans ta main, on en guérit pas. Si ça marche pas, mec, t'es mort, c'est sûr. Un conseil, allume tes phares et fais te foncer dans le mur.